Chapitre 10e. Le Suisse de M. le Maréchal, en grand uniforme devant la porte de Mlle Simon, répondait aux visiteurs ordinaires que la maîtresse du logis ne recevait point ce soir-là. Chaque personne ainsi repoussée jetait un regard d'étonnement sur les fenêtres plus éclairées que d'habitude et se retirait en baissant la tête. M. Dubuc et Thomas Desrivier, guidés par un égal empressement, se rencontrèrent nez à nez en présence du Suisse, qui les pria de monter après leur avoir demandé leur nom. Sans se douter qu'ils fussent rivaux, ils se toisèrent d'un air peu courtois le long des degrés, mais en arrivant dans le salon, où ils trouvèrent M. Quillet chargé de le recevoir, tandis que Mademoiselle achevait sa toilette, ils se mirent tous deux à regarder de travers ce personnage si familièrement installé. Bientôt après entra M. Chaplin, l'illustre poète. Ensuite vient le vieux maréchal d'Estrées, et puis M. de Bouteville. Trois ou quatre seigneurs de la cabale des petits maîtres, et que Claudine avait vus à Saint-Maur, arrivèrent, précédant M. le prince. Le secrétaire Gourville était du nombre. Le grand Condé parut enfin. Quillet courut avertir Mlle Simon que ses convives étaient réunis. La porte du petit appartement s'ouvrit, et l'on vit entrer dans le salon une jeune paysanne en habit de fée portant les jupons courts, le bavolet de toile bise, la croix d'or au cou et les bras nus comme pour une danse de village. « Monseigneur, dit Claudine en allant vers M. le prince, nous fêtons aujourd'hui le jour où j'ai l'honneur de vous connaître sur la grande route de Saint-Mandé. J'ai repris à cette occasion mon humeur des dimanches et le sang-façon de la campagne. Vous souperez avec une bavolette bien élevée. « Vous êtes à croquer dans ce costume, » répondit M. le prince. « Je veux manger, boire et chanter comme un paysan. » On se récria sur la gentillesse de la bavolette. M. d'Estrées s'extasiait. Quillet avait les larmes aux yeux. Dubuc et Desrivier ne disaient mot, mais le regard enflammé parlait à défaut de leurs lèvres. Le maître d'hôtel du maréchal annonça qu'on avait servi, et la compagnie se mit à table. M. le prince tint si bien parole qu'il mangea de tout, ne laissa jamais son verre plein, eut une pointe de vin et fit assaut de folie avec qui voulut lui tenir tête, ce dont Claudine s'acquitta le mieux du monde. Le repas dura une heure, pendant laquelle régna une liberté de bon ton qui ne se rencontrait en aucune académie de bel esprit. M. Chaplin lui-même perdit un peu de sa roideur. Il lui échappa des phrases d'une brièveté inattendue et des pensées qui n'eussent point trouvé leur place dans un poème épique tant qu'ils approchaient de la plaisanterie. Au dessert, tout le monde parlait à la fois. Sur un signe que lui fit Mlle Simon, Quillet se leva et demanda un moment de silence en disant que la reine des bavolettes avait un petit discours à prononcer. Chacun prêta l'oreille et Claudine, s'adressant à ses convives d'une voix haute et ferme, « Messieurs, dit-elle, nous avons bu tout à l'heure à la sortie de M. le prince du donjon de Vincennes. Mais vous ne savez pas que l'emprisonnement de Son Altesse, le 18 janvier de l'année dernière, m'a fait plus de chagrin et m'a porté un coup plus funeste qu'à personne en France. Monseigneur lui-même a peut-être oublié que le lendemain de cette fatale journée, il devait juger un procès d'où dépendait la réputation de Claudine Simon. « Non, interrompit M. le prince, je ne l'ai point oublié. L'accusation est abandonnée. Il n'y a plus sujet à procès. « Votre Altesse se trompe, » reprit Claudine. « Les rôles sont changés aujourd'hui. C'est moi qui suis l'accusateur, et nous trouverons peut-être l'accusé sans chercher bien loin. »« Dubuc, » s'écria le prince, « voilà une pierre dans ton jardin. Tu es sur la sellette. Vive Dieu, je te veux juger. Prenons que nous sommes ici en plein Châtelet. Je serai le prévôt de Paris. Messieurs de Bouteville et d'Estrées seront les conseillers. » Quillet fera l'huissier audiencier et M. Chaplin, la plume fichée dans sa perruque, représentera le greffier le plus imposant du monde. Mlle Simon sera partie civile, avocat, procureur et tout ce qui lui plaira. Fiez-vous à moi, je vais débrouiller cette affaire avec le bon sens et la justice de Maître Sancho Panza dans son gouvernement. La parole est à la partie plaignante. La plaignante, dit Claudine, accuse le dit seigneur de Buc de l'avoir fait enlever le 12 janvier 1650 par trois estafiers de son domicile, ci au village de Saint-Mandé, de l'avoir arrachée par la violence et soustraite à la surveillance de ses pères et mères, de l'avoir transportée dans un carrosse au quartier des Halles à Paris, où il l'a enfermée chez un barbier étuviste dont la maison est réputée infâme, dans le dessein de se livrer, sur la personne de ladite Claudine Simon, à des actes criminels dont l'accomplissement n'a été déjoué que par des circonstances indépendantes de sa volonté. Qu'as-tu à répondre à cela, Dubuc ? Dit Monsieur le prince. Ce n'est pas tout, reprit Claudine. Le dit Dubuc, n'ayant point réussi dans ses coupables projets, à cause de l'heureuse évasion de sa victime, a, par des propos faux et perfides, donné à entendre que ladite Claudine Simon se serait volontairement livrée à lui, après s'être vendue à d'autres. Ces propos étaient tenus à Saint-Maur chez son Altesse, Monsieur le Premier Prince du Sang, en présence des amis du dit prince, ce qui a dû faire un tort à la réputation de Claudine Simon, dont elle ne peut apprécier exactement toute l'étendue et la gravité. « Qu'as-tu à répondre ?» dit le prince d'un ton plus sévère. Debuc, consterné, cacha son visage entre ses mains. « Morbleu ! » s'écria le héros de Rocroi. « Ceci passe la plaisanterie. Cette conduite est tout simplement indigne d'un gentilhomme. Je ne ris plus, messieurs. Debuc, tu n'es plus à moi, je te chasse. Un moment !» interrompit Claudine. « Pour tout dommage-intérêt, je ne voulais obtenir que l'aveu complet et ingénu du crime. » Le silence de l'accusé équivaut à cet aveu qui répare publiquement le tort fait à ma réputation. Je me déclare satisfaite. Je pardonne à mon ennemi, et je supplie mon seigneur de laisser à mon oubli des injures son faible mérite en usant de clémence à l'égard du coupable. Sortons maintenant du Châtelet, et constituez-vous, messieurs, en cour d'amour pour juger une autre affaire. Parmi les convives ici présents, j'ai plusieurs adorateurs qui se disent fort épris de ma personne très indigne. Les uns m'ont offert leur nom et leur fortune avec leurs mains, et ces ouvertures honnêtes méritent ma reconnaissance. Les autres se sont expliqués moins clairement et n'ont pas été au-delà de la peinture plus ou moins vraie de leur flamme amoureuse. Je ne trahirai point leur secret, mais je prierai mon seigneur et ses conseillers de me donner leur avis sur la conduite que je dois tenir. « Il n'y a point à balancer, » dit monsieur le prince. « Choisissez un bon mari dans la première catégorie. Ne consultez que votre cœur, ma chère Claudine. » Je vous ferai un cadeau de noces qui lèvera les difficultés s'il s'en présente. Et plus tard, dans la seconde catégorie, je vous autorise à prendre un amant, si le mari vous donne des sujets de mécontentement, car je vous crois une femme incomparable, un trésor de vertu. Tel est mon avis et celui de mes conseillers. N'est-il pas vrai, messieurs ? Les conseillers se rangèrent unanimement à l'opinion de monsieur le prince. Eh bien, reprit Claudine, voici le moment de vous offrir le fond de ma pensée. L'aventure du 12 janvier, les procédés insolents et cruels de mon ravisseur, le coup porté à mon honneur, ne m'ont inspiré depuis un an qu'un ardent désir, celui d'arriver où je suis ici à cette heure, de tirer vengeance noblement du mal qu'on m'avait fait, de forcer les gens à me reconnaître pour une honnête fille calomniée. Afin d'atteindre ce but difficile, j'ai travaillé, étudié, invoqué le secours et les leçons des maîtres de langue, de musique et de bel esprit. J'ai acquis des manières et ce qu'on appelle du monde. Je le confesse à ma honte, les hommages, les respects, les adorations, les flatteries et même les déclarations d'amour ne m'ont presque point touché. Ma fierté rancunière, l'épée à la main, montait la garde aux portes de mon cœur et n'y laissait rien pénétrer, comme disent les dames qui cultivent le Phébus. Un seul de mes amoureux, meilleur que les autres, méritait assurément d'être choisi, mais il porte le petit collet. « Nous lui ferons donner dispense, » s'écria le prince. « Qui est ? Tu es préféré. » « Tu épouseras ma protégée. »« Non, monseigneur, » poursuivit Claudine. « Je me reprocherai amèrement de répondre à l'amour de monsieur qui est, à son exaltation, à sa tendresse profonde, dévouée et délicate, par une simple et froide amitié. Ce mariage est impossible. Je ne suis, vous dis-je, qu'une honnête fille, et non pas un trésor, ni une femme incomparable. Reprenez ces titres élogieux dont je suis indigne. Ma rancune ne retombe pas seulement sur monsieur Debuc, mais sur le monde entier. » Elle n'est point assouvie encore, et je ne dormirai bien qu'après avoir rompu avec ce monde brillant et trompeur dont les dehors charmants, les faux-semblants de vertu, m'avaient séduite et attirée. Je suis parti de Saint-Mandé, mon petit paquet sous le bras, à la recherche de mon honneur. Je le tiens aujourd'hui, et je m'en vais avec ce bagage précieux dans mon village pour n'en plus sortir. Ce souper est un repas d'adieu. Mon voyage est achevé. Bavolette, je l'ai entrepris, et Bavolette, je m'en retourne. « Cela n'est pas sérieux, » dit M. de Bouteville. « Vous n'aurez point cette barbarie, » s'écrièrent qui est le maréchal d'Estrée. « J'ai grand peur qu'elle n'en démorde point, » dit le prince. « Rien n'est plus sérieux, » reprit Claudine. « Monseigneur, j'ai voué à votre caractère une admiration extrême. Vous êtes le modèle que j'aurais suivi si le ciel m'eût fait homme. Mais il y a dans vos grandes qualités des points que l'âme d'une femme peut comprendre et imiter. Descendez en vous-même. Essayez de vous mettre à ma place en imagination et dites ce que vous feriez. « Je ferai comme toi, mon enfant, » dit le prince, « car l'orgueil est ma passion dominante. Je lui devrai sans doute mes erreurs, mais le peu de bien que j'ai fait, la gloire que j'ai acquise, c'est de lui qu'ils me viennent. Je t'approuve à regret, Va, ma fille, retourne à ton village, jouis de ton triomphe, dors avec la satisfaction de la fierté vengée, et s'il te plaît quelque jour de revenir dans ce monde qui te perd avec tant de chagrin, parmi ses amis qui te pleureront, je t'en donnerai les moyens. Tu seras bien reçu chez moi. Messieurs, buvons à la sagesse de cette jeune fille. » On versa rasade. Tous les convives burent avec des vivats, après quoi on passa dans le salon. Une paysanne s'y trouvait, plus simplement vêtue que la maîtresse du logis. C'était Dame Simone, qui saisit sa fille entre ses bras et la couvrit de baisers. « Vous le voyez, messieurs, » dit Claudine, « mon projet est sérieux. Voici ma mère qui vient me chercher, et nous allons retourner ensemble à notre village. » En effet, Mademoiselle Simon s'enveloppa d'un capuchon de grosse laine et s'équipa en voyageuse. Monsieur le prince réclama le plaisir de lui baiser les joues, les autres lui baisèrent les mains, et elle partit avec sa mère pour Saint-Mandé dans le carrosse de Monsieur d'Estrée, laissant à Quillet le soin de veiller à ses petits intérêts. L'abbé se chargea de prendre son mobilier et lui emporta le prix qu'elle remit à Dame Simone. Les Parisiens parlèrent pendant un mois de l'étrange fin de l'Académie de Saint-Côme, et puis ils s'occupèrent d'autre chose. Monsieur le prince alla faire la guerre civile en Guyenne. Monsieur d'Estrée fut d'un autre parti et l'emmena Quillet avec lui. De Buc reçut un coup de feu dont il mourut sur les murs de Bordeaux. Thomas des Riviers servit la reine en bon soldat et devint commandant au régiment de Royal Italien. Quant à Monsieur de Bouteville, on sait qu'il devint le célèbre maréchal de Luxembourg. Lors du combat du faubourg Saint-Antoine, par où se termina la fronderie, Claudine pria pour le succès de son héros favori. Le ciel n'exauça qu'imparfaitement ses prières. Monsieur le prince quitta la France et ne rentra en grâce qu'au bout d'un long temps. À son retour dans sa patrie, ce grand capitaine habita le château de Chantilly pendant les loisirs que lui laissa la victoire. La chronique dit bien que Claudine Simon ne se maria point, et que la constance du pauvre Quillet ne réussit pas à l'ébranler dans sa résolution de rester fille. Mais cette chronique n'ajoute point que le cœur de la Bavelette soit demeuré toujours insensible. Mademoiselle Simon quitta son village pour aller vivre dans une jolie chaumière située dans les bois, sur les confins du parc de Chantilly. Elle n'entra jamais au château, mais on vit souvent Monsieur le Prince prendre tout seul le chemin de la chaumière. Depuis ce moment, les bonnes gens de Saint-Mandé ont perdu les traces de leur Bavelette, et ceux de Chantilly ne recueillirent sur elle aucun renseignement, d'où l'on pourrait conclure qu'elle enveloppa de mystère le reste de sa vie. Peut-être cette jeune fille avait-elle au fond pour le vainqueur de Rocroi un sentiment plus tendre que l'admiration. L'abbé Quillet eut en sa possession des lettres du prince de Condé qui venaient de Mademoiselle Simon. Ces autographes se retrouveront quelque jour dans une des collections que font les curieux, et on pourra sans doute connaître, en les lisant avec attention, en quels termes était Monsieur le Prince avec l'héroïne de cette histoire. Ainsi s'achève La Bavelette par Paul de Musset.